Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. 'Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. You spent your time à tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à cette nouvelle édition de Puissance Maximale, votre magazine d'intérêt ludique, magazine au cours duquel on parle de jeux, et bien sûr de jeux. Vincent Langlois au micro, en compagnie de François G. Couillard. Salut Vincent. Salut François, et nous avons également la chance d'avoir Michael Michaud avec nous aujourd'hui. Salut les gars. Et bien, une bonne émission aujourd'hui. Michael, de quoi vas-tu nous parler? Michael, t'es en train de tweeter, là? J'essaye de tweeter. Je vais essayer aujourd'hui, pendant l'émission, de tweeter en direct. On va voir ce que ça va donner. Alors, à quel fil on s'abonne si on veut vraiment te suivre sur Twitter aujourd'hui? Vous cherchez Michael, barre en souligné. Dessous, Michaud. Vous allez voir Vincent Langlois aussi, Puissance Maximale aussi, je pense qu'on a un tweet. Oui. Ça fait que vous pouvez chercher tous ces fils-là et vous allez pouvoir suivre nos péripéties. Excellent. Est-ce que tu vas même prendre des photos en studio puis tu vas les mettre en ligne juste pour nous montrer? On pourrait bien essayer. C'est ce que tu vas faire. On pourrait bien faire ça, effectivement. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Michael? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu culte, en tout cas dans mon cas, et peut-être aussi dans le cas de François, le jeu Descent Free Space, un classique du jeu de pilotage et de combat spatial. On parle d'un jeu là, d'avant les années 2000. Oui, le premier sorti en 1998. Excellent. On va avoir un peu d'actualité également, François. C'est ça. On va parler d'un peu de Square Enix qui a des problèmes de sécurité à Montréal. Gardons ça. Aussi, on va parler un peu de la PSN, on n'aura pas le choix. Puis, on va parler aussi de Valve qui veut mettre des valeurs sur les joueurs pas bons et les joueurs bons. Excellent. Bien, moi, de mon côté, je vous ai préparé une petite chronique sur un jeu dont j'ai fait l'acquisition dernièrement. C'est un jeu qui est sorti à peu près 2 mois sur le Xbox Live Arcade, mais qui est sorti il y a quelques années sur PC. C'est Torchlight, dont je vais vous parler aujourd'hui. Un petit RPG hack and slash très sympathique. On aime ça quand il ne faut pas trop réfléchir. Ah, c'est vrai, c'est vraiment ça, ce jeu-là. Là. Les quests, là, on s'en fout un peu. Mais bon. Skip. C'est comme ça que ça marche. Et on débute en musique, François. On va écouter une pièce d'un rappeur de Montréal qui s'appelle Damien. Il a fait une pièce qui s'appelle « Faut que ça jute ». Je pense qu'il fait ça en l'hommage. Je sais pas, peut-être qu'il a essayé de s'inspirer des films de zombies ou je sais pas quoi. En tout cas, voilà. « Faut que ça jute » à puissance maximale. Faut que ça jute. Vous avez rien vu, j'suis un bête, ça dans le studio. que nous avons affaire à un serial killer. Yeah. Yeah. Le découpé en j'ai une tronchonneuse, massacre à la tronçonneuse. Je te couche mort dans le Freddy. Dans tes cauchemars, je suis Freddy. Pas de dessin, c'est indécent. Sans dessin, je te descends. Ici, c'est décadence, faut qu'on change de cadence. Je te dis Halloween, on est dans l'aile risieux. C'est comme dans Halloween, pis y'a des Hellraiser. Resident Evil, dans la maison du diable. Y'a même l'exorciste Misery to the Scream. Fais du vent au pire, tant pire, c'est la morsure. Tu sais que je suis un vampire, pis que je laisse des morsures. Je crée un choc, je joue comme Chucky. Je suis loin d'être un candyman, je déchire comme candyman. Faut que ça jute, faut que ça jute. C'est Damien pis l'intrus, il faut que ça jute. Il faut que ça jute, faut que ça jute. Vous avez rien vu, c'est un bain de ça dans le studio. Il faut que ça jute, faut que ça jute. C'est Damien pis l'intrus, il faut que ça jute. Il faut que ça jute, faut que ça jute. Vous avez rien vu, c'est un bain de ça dans le studio. Ils savent que je suis psychopathe, ce qui fait que ces petits compars. Tu me bites, t'es dans la merde, j'aide pas, t'es les dents de la merde. Tu scènes ben crime, ça finit en scène de crime. Situation fâcheuse, deal avec la fouche. Je suis toxique, le ravageur, j'assassine ton baladeur. Je provoque un mal de cœur quand je mets tes restes dans le malaxeur. Sa majesté l'intrus, avec Damien l'antichrist. Si t'écoutes, c'est à tes risques. Faut que ça jute. C'est Damien pis l'intrus, il faut que ça jute. Il faut que ça jute, faut que ça jute. Vous avez rien vu, c'est un bain de ça dans le studio. Il faut que ça jute, faut que ça jute. C'est Damien pis l'intrus, il faut que ça jute. Il faut que ça jute, faut que ça jute. Vous avez rien vu, c'est un bain de ça dans le studio. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. This is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Et on remercie Duke Nukem d'avoir fait ce petit jingle pour Puissance Maximale. Et bien, c'est même temps de faire un petit peu d'actualité. Beaucoup, beaucoup de nouvelles au cours des dernières heures, dans les derniers jours, au niveau du monde du jeu. Oui, entre autres, Square Enix qui a annoncé que le site web d'Eidos Montréal a été piraté. Alors, Sony, c'est pas les seuls. C'est aussi la Square Enix. Il y a eu des petits problèmes avec leur site web eidosmontreal.com. Alors, ils ont annoncé ça mercredi dernier. Ils ont dit qu'il y avait jusqu'à 25 000 courriels et 350 CV qui ont été volés par les hackers. Donc, on a vraiment fait une entrée dans les bases de données de Eidos. Là. C'est pas seulement hacker un site Internet pour le bloquer tout simplement. Là. C'est ça, c'est vraiment la base de données. C'est incroyable. Par contre, il n'y a pas d'informations de cartes de crédit qui ont été volées. On parle vraiment juste de CV puis de courriel. Mais quand même, un CV, ça peut être assez important hein, au niveau des données personnelles qu'on a, un nom puis un diplôme ou quoi que ce soit. Il y a les adresses sur les CV maintenant, adresse, téléphone, courriel, ouais. Coordonnées de tout le monde. Là, on ne sait pas ce que les gens peuvent faire avec ça. Et Square Enix a ajouté que bon, c'est arrivé à son site eidosmontreal.com et deux autres sites de produits, sans nommer lesquels. Donc, il assure que les cartes de crédit, il n'y a pas d'informations qui ont filtré. Il s'excuse évidemment des données qui ont été perdues. Ils vont écrire aux 350 personnes qui avaient envoyé leur CV pour s'excuser sincèrement. C'est moins pire que sur le PSN. Oui, effectivement. Et donc, Square Enix a ajouté qu'ils faisaient très, très, très, très attention aux mesures de sécurité, qu'ils emploient des mesures de sécurité strictes, qu'ils testent régulièrement pour justement se sauvegarder de ces incidents-là. Mais bon, ils ont beau dire ça, mais... Ben, j'ai légèrement l'impression que c'est quelques nouvelles qu'on va retrouver dans les prochaines semaines. On va s'attaquer à différents sites Internet, puis on va recevoir, pas nécessairement seulement au niveau du jeu, là, mais regardez bien ça dans les prochaines nouvelles, ça va être des choses qui vont arriver de façon hebdomadaire. Comme on disait hors d'onde tantôt, là, autant pour le PSN que pour dans le cas d'Eidos ici, là, aucune compagnie est à l'abri d'attaque de pirates. Les compagnies ont beau se munir de systèmes de sécurité, de façon justement de protéger leur système de plus en plus sophistiqué, mais les pirates, c'est des gens aussi qui innovent et c'est des gens qui vont faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour accéder à ces données-là, que ce soit pour une bonne ou une mauvaise raison. Et comme tu le disais si bien, Michael, je pense la dernière fois, c'est au consommateur finalement de faire attention à ce qu'il fait avec sa carte de crédit en ligne, tout simplement. Oui, c'est ça. Ouais, mais on voit qu'on ne peut même pas se fier à l'importance du site, à la fiabilité du site. Hein, De la compagnie. PayPal, Sony, tout ça, ce sont tous des sites qui sont faits pirater. Donc, il faut être conscient de ce qui peut arriver, mais en même temps, il faut que les compagnies prennent leurs responsabilités. Absolument. Donc voilà pour eidosmontréal.com qui s'est fait pirater. Sinon, ben parlons un peu PSN. Ah mon Dieu, que de bonnes nouvelles. Ben oui! Comme vous savez, la PlayStation Network est back online. Hey, ça fait, quand j'ai ouvert mon PlayStation Network, quand j'ai réussi à retourner en ligne, ça faisait 24 jours. 24 jours les dernières personnes avaient pu être en ligne. Et t'étais content? Ben j'étais content. C'est drôle, hein? C'est un running gag depuis une couple de semaines finalement avec les personnes que je rencontre, bien sûr, comme si je pouvais plus vivre sans mon PlayStation Network. Je dois vous avouer que oui. Parce que t'as Xbox Live, c'est que t'es correct. Ben c'est en plein ça! Non, mais sans farce, là. Le gaming, ce n'est pas ma vie, mais c'est quand même assez intéressant de jouer. C'était Je me suis aperçu en me loguant dans la PlayStation Network hier matin que ça ne m'avait pas manqué tant que ça. Oh non. J'ai retrouvé mes jeux. Je suis allé jouer une petite partie de Call of Duty, puis je me suis aperçu que j'avais perdu toute la jouabilité, l'efficience que j'avais à jouer rapidement. J'ai tout perdu ça en 24 jours. Je me faisais descendre d'un bord puis de l'autre. J'étais éliminé des jeux. C'était incroyable. Donc, ça m'a comme découragé un peu. Moi qui n'ai pas joueur en ligne, moi j'ai fait bon, ben. Et tant mieux! Elle t'a dit, Vincent va pouvoir voir que je suis en ligne. Ouais, c'est ça. Mais il faut rappeler, par exemple, que le PlayStation Store n'est pas encore en ligne. Il prévoit sûrement pour la fin du mois, mais encore là. Parce qu'il faut rappeler que le PSN est revenu en ligne un peu par surprise. Ils avaient annoncé pour la fin du mois. Samedi dans la journée, on a l'update du firmware qui est sorti pour nous prévenir de l'updater parce que quand le PSN allait revenir, ben on allait être équipé pour. Et quelques heures plus tard, le PSN était en mode réinstallation aux États-Unis, on est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche pour le Canada, puis encore hier, puis aujourd'hui, là, il y avait il y a juste au Japon. C'est je pense que ça n'a pas été fait pour des raisons d'autorisation gouvernementale. Ben, des questions de sécurité, finalement. Mm-hmm. Parce que, bon, comptez-vous content, justement, si vous avez un PlayStation, vous habitez aux États-Unis ou au Canada, c'est revenu, mais au Japon, c'est ça, le gouvernement met ça sur la touche un peu. Donc, ils ne montrent pas beaucoup de presse à remettre ça en ligne, là. Entre autres, il y a un expert de la sécurité aux États-Unis qui a dit que la PSN, en fait, Sony devrait attendre un peu d'avoir les approbations des gouvernements avant de remettre ça en ligne, la PSN. Donc, c'est un gars qui s'appelle Bill, un professeur de l'université de Queensland University of Technology, Bill Kiley, qui dit que Sony devrait attendre que tous les gouvernements s'entendent avant de remettre ça en ligne et s'assurer pour que les gouvernements s'assurent que les critères de sécurité soient bel et bien intéressants, soient bien. Parce que pour l'instant, Sony a le beau jeu de dire tout est beau, la sécurité est parfaite, c'est de la haute sécurité, il n'y a plus de problème. Mais le professeur aimerait que les gouvernements s'en assurent et vérifient, fassent des vérifications minimales. Il n'y a plus de problème nécessairement, mais on s'est aperçu pareil qu'avec l'entrée des données des différents joueurs, tout au cours de la journée hier, ça a créé quelques problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas été capables de créer de nouveaux mots de passe. Ça a été assez long et assez ardu pour certains joueurs. Michael? Messieurs, je viens de recevoir par Twitter, vive le Web 2.0, une petite update justement sur ce qui va être offert. Déjà? Oui, aux utilisateurs. On a ici, pour tous les utilisateurs du PlayStation Network, deux jeux PS3. De la liste suivante, va leur être offert. Ça va être pendant les 30 jours après la réinstallation du store. Après ça, ce ne sera plus disponible. Il va y avoir de disponibles donc Dead Nation, Infamous, Little Big Planet, Super Stardust HD et Wipeout HD plus Fury qui va être disponible. Vous avez le droit à deux jeux dans cette liste-là, gratuitement pour les utilisateurs du PS3. Puis ça va être la même chose pour PSP. Pour PSP, il va y avoir Little Big Planet, Mud Nation Racers, Pursuit Force puis Killzone Liberation. C'est une forme de compensation, dans le fond. Ben c'est ça, là, pour le presque mois sans service. Il y a d'autres petits détails là, comme ça, là, mais bref, là, pour le moment, là, c'est ce qu'on a pour les jeux qui vont être offerts. Et sinon, il va y avoir un 30 jours de membership pour le PlayStation Plus et pour les ceux qui ont pas le PlayStation Plus. Et sinon, je regarde ça rapidement. Eux autres, ils vont avoir un 60... Pour ceux qui ont déjà PlayStation Plus, un 60 jours additionnel. Ils vont avoir de la musique offerte aussi. pour ceux qui étaient déjà inscrits à des services comme ça. Et ben, en gros, c'est ça. Il y a un texte qui est assez long, mais vous pouvez voir là, l'update. Là, deux jeux qui vont être offerts à tout le monde et qui est quand même dans une... La liste n'est pas très grosse. Elle n'est pas exhaustive et pas très impressionnante, je dois t'avouer. Pour un consommateur de PlayStation, là, c'est des jeux que tout le monde a essayé, que seulement tout le monde a revendu parce qu'ils ont eu en disque, ils ont revendu. On parle de jeux présentement qui se détaillent à peu près à 19,99 chaque. Même quelques jeux dont tu parles là, qui sont seulement en téléchargement disponibles sur PlayStation Network à 14 ou à 9 $. Un peu déçu. Oui, c'est décevant. Vraiment, je m'attendais peut-être au moins à un gros titre. De téléchargement. Non, c'est des jeux qui ont quand même du millage. Puis aussi, on parle là, d'items qui vont être offerts, entre autres pour PlayStation Home, des items pour les avatars de tout le monde. Ouais, y a-tu quelqu'un qui va là-dessus, PlayStation Home, présentement? Là? Pas moi. Et voilà, ça a été le gros buzz au début. On disait, waouh, vous allez avoir une deuxième vie, vous allez avoir votre petit condo. C'est comme si on jouait finalement à Sims, mais dans le PlayStation Home. C'est ça, mais vous allez pouvoir voir des vidéos en allant au cinéma du PlayStation Home. C'est parce que moi, j'ai Netflix aussi là, que je peux utiliser sur ma PlayStation. Ou on peut tout simplement aller dans le PlayStation Store, c'est chercher ces trailers-là. Bon. Ben, en tout cas, je suis content que tu nous l'annonces ici live. Vous serez sûrement la première radio a annoncé en direct sûrement. Que PlayStation Network, ce que Sony va offrir aux joueurs qui ont été en compensation, mais je dois t'avouer que je suis déçu. Ben, il fallait pas s'attendre vraiment à des nouveautés non plus. Là. Non, peut-être pas de nouveautés, mais tu sais, je veux dire, tant qu'à donner deux jeux, donne-en un peut-être qui vont en plus, encore 39, 40. Puis en plus, la liste est pas longue. Non. C'est pas, y parce que pas moi je veux t'avouer, tu as nommé les jeux là. Là-dessus, là, il y en a quatre que j'ai joués, dont deux que j'ai encore dans ma console en téléchargement. Là, il me reste quoi? Il me reste les deux autres titres que tu as nommés, puis ça m'intéresse pas vraiment, en tout cas. Mais ce qu'on disait tantôt, c'est qu'il aurait peut-être pu offrir tant qu'à ça des crédits PlayStation Store pour les gens qui possèdent déjà, peut-être c'est des jeux-là, dont le toit, là, entre autres. Là. Les gens qui possèdent déjà une partie de ces jeux-là, ben, le choix devient encore plus restreint. Mm-hmm. Tandis que s'ils avaient offert, mais bon. Non, regarde, c'est peut-être se plaindre le ventre plein, ce que je suis en train de faire là, mais c'est décevant. Ça minimise quasiment un peu l'importance de ce qui s'est passé. On verra la réaction de la communauté face à cette compensation. Mais présentement, paraît-il que vous pouvez toujours retrouver votre nouveau mot de passe et que ça fonctionne pour le PlayStation Network malgré les petites ratées qu'il y a eu hier dans la journée. Faut dire qu'avec le nombre de clientèles qui essaient de revoir leur mot de passe en même temps. Ben c'est ça. C'est compréhensible. Puis j'imagine que ça a été une des raisons pour laquelle ils n'ont pas annoncé ça. Ils ont annoncé ça on the fly, là, vraiment que personne ne savait ça. C'est sûrement pour éviter la cohue de gens qui allaient tout en même temps pour avoir un nouveau mot de passe. Donc, PlayStation Network est de retour. Comme on le disait tout à l'heure, il reste encore le PlayStation Store à voir. D'après moi ou d'après nous, ça devrait être à la fin du mois de mai pour ça. Oui. Pour en venir au Japon? Allons-y, oui. On a eu une interruption japonaise, c'est vrai. Parenthèse. Donc, c'est ça. Donc, Bill Kiley qui dit que, bon, les gouvernements devraient vérifier avant que ce soit bien sûr, le PSN, les critères de sécurité soient bel et bien rigoureux. Alors, il s'interroge. Il dit, bon, pourquoi est-ce que c'est les entreprises elles-mêmes qui doivent déterminer qui sont correctes? Pourquoi est-ce que c'est elle-même qui se juge elle-même? Effectivement, c'est une bonne question. Alors, il dit, il n'y a aucune façon pour le public de s'assurer que les assurances que donne Sony ou les autres compagnies sont véritables. C'est sûr que ça n'a pas été contre-testé par d'autres firmes. Là. Sauf que, d'après ce que j'avais entendu dire... Il faudrait que ce soit le gouvernement qui s'en assure. Mm-hmm. Mais il n'avait pas été demandé devant le gouvernement, ces gens-là, justement? Ils n'ont pas eu représentation de Sony devant aux États-Unis, oui, ils ont passé devant je pense que c'est devant le Congrès. Peut-être des questions qui ont été débattues à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a eu des réponses satisfaisantes. Là. Peut-être juste aux États-Unis. Ce que M. Kiley dit, bon, ça devrait être comme ça partout. Ouais. Et c'est pour ça, justement, que ça branle dans le manche au Japon en ce moment. Et voilà, pour Sony PSN est en ligne, sauf au Japon. Sinon, il y a Valve qui est en train d'étudier la question de mettre une valeur en réel sur des joueurs. Alors, c'est la tête de la compagnie qui s'appelle Gabe Newell qui a dit que la compagnie cherche une nouvelle façon pour faire payer ses clients. Et l'une des façons de payer nouvelles, ça serait de se baser sur un système de popularité des membres dans la communauté. Alors, ce que ça signifie, c'est que si vous êtes un paria dans la communauté de Valve, ça vous coûterait plus cher. Parce que M. Newell dit que le modèle du même prix pour tout le monde, c'est un bug, c'est un problème. Alors, au lieu de baser le produit d'un produit sur ce que le produit vaut. Mettons, un bon jeu coûte plus cher qu'un jeu médiocre. Mais M. Newell aimerait que les jeux soient, le prix du jeu soit selon ce que le joueur vaut. C'est vraiment alors, assez spécial. Il y a des joueurs qui, quand ils joignent un serveur, il y a plein de gens qui vont être contents, qui vont se joindre à eux. C'est des gens qui sont populaires, alors ça va. Et il y a des gens qui, quand ils vont joindre un serveur, ben ça va faire fuir les autres joueurs. Alors, ça dépend évidemment de la relation qu'ont ces gens-là avec d'autres joueurs. Alors, selon M. Newell, et je le cite, il dit « Une personne qui est très appréciée dans la communauté devrait avoir Dota 2 pour gratuitement à cause de des comportements qui étaient bons dans Team Fortress 2, par exemple. » Tu sais, il était apprécié dans Team Fortress 2, alors il pourrait avoir Dota 2 gratuitement. Alors qu'un real jerk, donc quelqu'un qui n'est pas très populaire, pourrait encore payer, mais il paierait le jeu plein prix et il pourrait peut-être même devoir payer 100$ de plus de compensation s'il veut avoir accès à la voix. C'est ridicule. Mais ce qui est pas bête, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent être fatigants dans le voice chat. Oui. Ces gens-là devraient payer une amende. Ah, ouais, vu comme ça. Oui, mais il me semble qu'on part de critères objectifs d'achat de jeu, là, qui sont la qualité du jeu ou la compagnie. Alors, on sort de ça vraiment. Puis on s'en va dans des critères subjectifs. C'est vraiment arbitraire. Puis en même temps, comment contrôler ça? On en parlait tantôt hors d'onde, le colon qui décide de nous. De nous bitcher, puis de nous casser mal parce qu'on l'a battu fair, de façon fair, puis que finalement on perd des cotes à cause de ce genre de gens-là. C'est tout contrôlé, cet environnement-là, ça devient un peu compliqué. Puis aussi, là, c'est ça le principe, qu'on cote plus. Le prix du jeu sera plus par rapport à sa qualité, c'est vraiment n'importe quoi. Non, c'est spécial. C'est spécial. L'art de rendre les choses compliquées. Oui. En même temps, c'est intriguant. C'est intéressant de voir que quelqu'un a eu une réflexion d'aller jusque-là. Mais reste à voir la faisabilité du tout. Exactement. Alors voilà, Valve qui considère qu'il est en train d'étudier la question de mettre des valeurs sur les joueurs selon leur popularité, dans le fond. Et je pense que ça fait le tour pour les nouvelles. Ben, juste parler de quelques sorties là, rapidement cette semaine. Et j'imagine qu'il y a des gens qui seront très heureux. L.A. Noire qui sort, un petit jeu de Rockstar qui devrait être assez intéressant. J'ai bien hâte de voir ça. Les jeux de Rockstar sont souvent bien cotés. Là, on parle des Grand Theft Auto, on parle de Bully. C'est un jeu de gangster, si je me rappelle bien, mais à la sauce mafia. Oui. Donc, dans un univers de mafieux, je pense, mais vraiment... peut-être pas spécialement l'italienne, mais un peu dans ce style-là. Moi, c'est sûr que je vais aller je vais regarder ça de très près. Ça va être un plus peut-être à acheter bientôt. Donc, ça sort demain. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait des précommandes. Je dis ça comme ça, à la planque, qui font un lancement spécial ce soir à minuit. Il fallait vous renseigner sur la page Facebook de La Planque à Québec là, pour vérifier ce qu'il y en est. Et rapidement, des choses qui ont retenu mon attention, un petit peu de contenu téléchargeable pour Crysis 2 et pour Fallout New Vegas. Ça sera disponible demain sur les différentes consoles, les différents sites, ben, sûrement pas sur PlayStation Network, mais en tout cas, pour le Xbox Live, ça le sera. Et ben sur PC, si vous n'avez pas eu la chance de mettre la main sur Fable 3, ben ça sort. Parce que vous n'avez pas eu la chance, peut-être vous avez eu la chance de mettre la main dessus illégalement. Mais ça sort demain, Fable 3, pour le PC, donc ce sont en gros les sorties de jeux intéressantes pour la semaine. Super, alors on va écouter une pièce maintenant. Allons-y. On va écouter, qu'est-ce qu'on va écouter? On va écouter La Solution de Pépé, un artiste chanteur de Québec. Alors, on connaît bien. Alors on va écouter ça, vous êtes à puissance maximale. Dans ma chanson. Si tu penses ça, c'est une illusion. Si tu ne crois pas, t'es un peu con. Comme une berceuse qui nous endort, un bon beat qui nous rentre dans le corps, qui nous fait accepter notre sort, pour que le système nous fourre encore. Tout est pas de mes bonnes intentions. Quand je parle, je fais pas trop attention. M'engager, je trouve ça bien bon, même que j'en fais à ma façon. Je vais t'en faire une toute qui explose. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. On va l'avoir, la vie en rose. Puis lave-le, moi, ma bonne cause. Ouais, wow, wow. nous rentre dans le corps, qui nous fait accepter notre sort. Pour quel système nous pourra encore? Demande-moi pas la solution, je te sauverai pas avec une chanson. T'es un engagé, moi j'aime bien ça, j'essaie de t'en faire une brette là. Trompez-vous pas, je suis plein d'espoir, je veux juste pas vous conter d'histoire, sauf si c'est pour vous faire rire. Dans ce cas-là, ça me fera plaisir, ouais. Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites. Et nous sommes rendus maintenant à la chronique de Michael. Michael qui va nous parler d'un jeu qui date d'un certain nombre d'années. Oui, ben en fait c'est un classique. Un classique, comme je disais tantôt, du jeu de pilotage et de combats spatiaux. Un jeu qui s'appelle Descent Free Space. En fait, je vais vous parler des deux. Il y a deux jeux qui sont sortis sous ce nom-là, le 1 et le 2, donc, par les développeurs Volition Incorporé et aussi par Hyperion Entertainment, qui était une version, en fait, la version faite par Hyperion, c'était une version sur Amiga. Donc, pour ceux qui se rappellent du système Amiga, et ça avait été publié par Interplay Entertainment. Donc, c'est quoi, finalement, Descent Free Space? Ben, on se retrouve dans un conflit spatial entre le GTA, donc le Galactic Terran Alliance, contre le PVE, le Parliamentary Vasudan Empire. Les Vasudan, qui sont une race extraterrestre que les Terriens vont combattre dans ce monde-là. Dès le début du jeu, en fait, on est projeté dans ce conflit-là. Il n'y a pas vraiment... il y a une très belle... l'histoire est, je pourrais dire, épique. C'est vraiment intéressant. Le storyline est bon. Ça donne un bon fond, justement, à tous ces combats-là dans l'espace. Ça nous rend dans un univers vraiment intéressant. Donc, c'est ça, vous avez les Terriens qui se battent contre les Vasudan depuis 14 ans déjà, dans une guerre spatiale. Et pendant, finalement, le début, c'est l'entraînement. Il y a des missions d'entraînement au début pour comprendre comment se pilote le vaisseau. Donc, on se retrouve dans un vaisseau, un Starfighter, donc un petit vaisseau de combat. Et on va apprendre justement à l'utiliser là, dès les premières missions, dans des missions d'entraînement. On va apprendre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à connaître. C'est pas compliqué, ça a l'air compliqué au début là, quand on voit ça, mais c'est pas si compliqué que ça, jouer au jeu. Le jeu peut être quand même assez difficile. Je suis pas un super pilote là, dans ce genre de jeu-là, mais c'est vraiment, vraiment le fun. Même si je suis pas bon, là, c'est vraiment le fun à jouer. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut jouer très simple en allant... un point A au point B. C'est ça, dans le sens où on va aller foncer dans l'ennemi. Ça peut se réaliser avec le minimum de tactique, mais il faut quand même en user, utiliser une certaine tactique. Mais on peut aller vraiment, vraiment loin en commandant les autres escadrilles qui nous accompagnent, en leur demandant d'aller protéger tel vaisseau ou attaquer un tel. On peut aller attaquer, dans le cas des capital ships, tout ce qui est les gros, gros vaisseaux de commandement, aller attaquer des sous-systèmes du vaisseau comme l'armement, les senseurs, la navigation. On peut aller attaquer ça pour un peu avant de détruire le vaisseau, pour le déstabiliser, pour l'empêcher de faire certaines manœuvres, entre autres. Ça peut être assez complexe en combat spatiaux. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui... tu as l'air à dire que c'est pas quelque chose qui est obligatoire là, de contrôler ces... Non, ben on peut... Ça rend les missions plus faciles. Ça va être moins compliqué si on utilise la stratégie qu'en fonçant dans le tas, tout simplement. Là. C'est ça qui donne... C'est vraiment ça qui est intéressant. Donner des ordres aux autres vaisseaux, c'est ça, penser à sa stratégie. Et bien écouter le briefing aussi, parce qu'à chaque... vous êtes dans un briefing militaire avant chaque mission pour essayer de comprendre un peu la situation puis voir ce que vous allez devoir faire. Donc, on se retrouve dans ce conflit-là entre ces deux races-là. Sauf que pendant l'émission, ben, le conflit est arrêté parce qu'il y a une troisième race qui rentre, qui rentre un peu dans le conflit, qui s'appelle les Shivans, qui vont venir attaquer les deux, les Terriens et les Vasudans, sans raison visible. En fait, on sait pas vraiment pourquoi ils nous attaquent. Donc, les Vasudans et les Terriens vont se réunir dans une alliance, finalement, pour combattre cette troisième race-là. Et donc, finalement, à partir de ce point-là, tout le reste du storyline, ça va être l'alliance contre les Shivans. Malgré ça, il va y avoir des poches de résistance. Le Hammer of Light, dans le jeu, qui est une... comme des rebelles Vasudans qui veulent pas s'allier aux Terriens, ben, il faut aller les attaquer aussi dans certaines missions. C'est que c'est pas juste... l'alliance contre les Shivans, ça va être aussi l'alliance contre les rebelles pour essayer un peu de garder la cohésion dans l'alliance finalement. Donc on parle, c'est ça, d'un jeu de pilotage de combats spéciaux. Le genre de mission qu'on peut avoir, c'est des missions carrément d'attaque, attaquer ces ennemis-là. Il y a plusieurs objectifs par mission. Les objectifs primaires, secondaires, il y a des bonus. Pour que la mission soit considérée comme complétée, il faut faire les primaires. Les secondaires, ce qui va arriver, c'est que ça va changer le timeline, le storyline. Ah oui? Oui, dans le sens que si vous devez détruire tel vaisseau, mais en secondaire, en objectif secondaire, vous devez détruire tel capital ship aussi qui va être présent, ben, si vous réussissez pas, il peut revenir dans d'autres missions. Tandis que vous pouvez tout de suite vous en occuper dans cette mission-là. Puis comme ça, avoir la paix okay. pour ce qui s'en vient. Et si jamais on ne réussissait pas à le détruire, mais qu'on l'avait attaqué un peu, puis la mission se termine, est-ce qu'il revient en parfait ordre ou il revient... Il va revenir au complet. Okay. ils ont il n'y a pas de casse-tête là-dessus. Non, c'est ça, il va revenir au complet. Vous avoir de la misère au complet. Donc, c'est primaire pour que la mission soit accomplie, secondaire pour améliorer un peu votre résultat, puis bonus, ben ça, c'est vraiment pour vous. Donc, c'est ça, vous avez les attaques contre l'ennemi, vous avez aussi des protections, protéger tel vaisseau, protéger des convois de denrées ou de trucs qu'on a besoin pour notre armée, ben il faut protéger ce genre de convois-là. Des missions d'escorte aussi, escorter des vaisseaux d'un point A, un point B dans la map, pour qu'ils se rendent justement jusqu'à un couloir de subspace, justement de voyage hyper-espace. Mais il y a des points dans l'espace qui... c'est l'entrée de couloir finalement de voyage dans l'hyperespace, donc il faut les escorter d'un point à l'autre, entre autres, là, c'est un exemple. Puis il y a aussi des missions d'enquête, d'exploration où, entre autres, là, il y a une mission où on réussit à voler un vaisseau ennemi, un chasseur ennemi. Après ça, on va le prendre, puis on va aller dans le camp ennemi pour aller scanner les vaisseaux ennemis, des cargaisons aussi pour voir ce qu'ils ont. Puis c'est vraiment stressant parce qu'il faut pas que tu te fasses détecter. Puis à un moment donné, il y a le gros capital ship de l'armada ennemie qui arrive. Il est énorme. Ça paraît, là, c'est ça aussi qui est vraiment le fun dans le jeu-là. C'est qu'on va se promener, on va se battre autant contre les petits chasseurs ennemis que contre les énormes vaisseaux. Mm-hmm. Pendant qu'on se fait attaquer par les petits vaisseaux ennemis, ça donne vraiment un thrill intéressant. Donc c'est ça, vous avez l'exploration finalement qui est le dernier type de mission que vous pouvez avoir. Des petites missions de furtivité. Là. Ouais, c'est ça. Ben même des fois là, pas furtif du tout, on se fait attaquer pendant qu'on scanne les choses, mais il faut quand même les scanner puis se défendre en même temps. C'est assez difficile. Vous allez avoir, c'est ça, comme je disais tantôt, il y a de l'impact sur le storyline. Vous pouvez gagner des médailles spéciales aussi, des décorations militaires selon vos résultats dans les missions. Donc si vous réussissez des bonus. C'est ça que vous allez recevoir, là, des bonus, des objectifs bonus ou des secondaires, vous allez recevoir des médailles militaires. Les noms de vaisseaux aussi, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. La plupart des noms de vaisseaux ennemis, puis même les noms, c'est beaucoup, beaucoup emprunté des mythologies du monde. Donc, il y a beaucoup de noms de la mythologie grecque qui vont être pour les vaisseaux terriens. Beaucoup de noms de la mythologie indienne pour les Shivans. Shiva, Shivans, mm-hmm. Déjà vous voyez. Puis aussi de la mythologie chrétienne, parce que dans le 1, le gros capital ship des Shivans s'appelle le Lucifer. Il est énorme. Ça fait que, ouais, c'est la plupart des vaisseaux, que ce soit les Starfighters ou les capital ships, vont être baptisés avec ce genre de nom-là. Il y a un bon système multiplayer. Maintenant, il faut rappeler, je rappelle que ce jeu-là, Interplay, celui qui a publié le jeu, ben, depuis 2005, n'existe plus. Okay. Il n'y a personne qui a racheté les droits de ce jeu-là. Donc, c'est un jeu libre de droits, un abandonware, que vous pouvez aller vous chercher. Entre autres, moi, je l'ai retrouvé récemment sur Torrent, sur un site de Torrent. Ça fait que vous fouillez un peu, là, Descent Free Space, vous allez trouver ça, le 1 et le 2. Et vous pouvez faire, nous, en fait, les serveurs qui servaient à faire du multiplayer sur Internet sont plus disponibles. Ça a fermé, c'est en 2003-2004, un peu avant la fermeture d'Interplay. Donc, moi, ce que je recommande de faire pour les intéressés qui veulent jouer avec leurs amis, ce qui est vraiment le fun, là, j'ai fait ça avec un de mes amis justement récemment, là, c'est vraiment intéressant, mais c'est difficile. c'est plus difficile que la campagne. Oui. Parce que là, avant, on peut donner des ordres là, à d'autres vaisseaux qui sont de l'intelligence artificielle, ouais, mais là, il faut coordonner tout le monde qui sont des joueurs, c'est plus difficile. C'est vraiment plus difficile. Donc, c'est vraiment le fun, par exemple. Mais moi, ce que je fais, c'est que je suis allé me chercher le petit logiciel Amashi Log Me In pour créer un comme un faux réseau local. Puis comme ça, on se connecte tous là-dessus, puis on joue comme si c'était un LAN party. On peut utiliser le multiplayer du jeu qui est très intéressant, qui comprend aussi des fonctionnalités de voice chat, mais je suggère grandement Skype parce que facilement. Il est pas très au point là. Pour l'époque là, ça marchait bien pour les connexions internet du temps, mm-hmm. mais là le signal est vraiment pas très clair. Moi je suggère grandement Skype. C'est incroyable pareil hein, que Skype peut amener au niveau de la jouabilité aujourd'hui, alors qu'avant on chattait avec les claviers puis c'est l'information arrive tout de suite. C'est incroyable. Nos mains ne bougent plus du joystick. Mais dans ça. Ce cas-ci, c'est possible de jouer avec la souris, souris, clavier. Ça se fait quand même assez bien. Mais l'expérience n'est pas pareille tant qu'on n'a pas un joystick. Moi, j'ai un joystick à la maison que j'avais acheté il y a quand même 4-5 ans pour jouer à ce jeu-là. Puis là, il se rentabilise encore aujourd'hui. Là. Ça vaut vraiment la peine de jouer avec un joystick. Si vous en avez un à la maison, là, utilisez ça. Ça vaut la peine. Ben sinon, clavier souris, ça va très bien. Vous allez voir quand vous allez faire le bracelet, quand vous allez faire un peu la configuration de vos boutons et de vos raccourcis, il y en a énormément. Il y a beaucoup de commandes qui peuvent être envoyées, autant dans la redirection de l'énergie du vaisseau que la distribution de l'énergie sur le bouclier autour de votre vaisseau pour, si vous voulez plus l'envoyer en arrière, sur les côtés, en avant, mettre plus de pouvoir dans les moteurs pour aller plus vite, dans les weapons pour tirer plus fort, ouais. pour que ça soit plus puissant. Il y a tout ça à gérer. Assez complet. Plus les raccourcis de communication pour donner les ordres aux autres vaisseaux, plus les raccourcis d'armement, plus les raccourcis de ciblage contre les ennemis. Vous avez tout ça à gérer. Il y en a qui sont pas, c'est pas tout essentiel, mais ça amène une dimension, je dirais, une petite valeur ajoutée au jeu où ça devient vraiment complet, puis on a l'impression justement d'être le commandant de notre escadrille, puis on va aller justement, on fera pas juste on rentre dedans puis on défait tout. Il faut vraiment penser à sa tactique, surtout dans certaines missions vers la fin où il y a beaucoup de monde sur la carte là. Faut vraiment penser à son affaire. Comme j'ai dit tantôt, être appelé est mort en 2005, donc libre de droit. Vous pouvez aussi, il y a beaucoup de projets de fans qui sont sortis sur Internet, vu que le code source est sorti sur Internet de ce jeu-là. Il y a des fans, entre autres, de Battlestar Galactica et de Babylon 5 qui ont sorti des skins respectifs. Puis ils ont aussi amélioré, parce qu'on se le cachera pas, là. C'est un jeu qui date de 98. Oui. Et pour Free Space 2, si je me rappelle bien, 99, déjà qui est sorti un an après. Donc, c'est sûr que le graphisme, c'est pas top, surtout pour 2011. Mais je vous dirais qu'on passe quand même assez rapidement par-dessus ça, tellement l'expérience de jeu est intéressante. Tu parles, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Est-ce qu'on voit notre... Vous êtes dans votre cockpit. OK, on est dans le cockpit, donc on voit tout le tableau de bord. Vous avez votre tableau de bord qui est... ça, vous pouvez l'ajuster comme vous voulez. Vous pouvez mettre vos différents écrans du tableau de bord à l'endroit où vous voulez. Vous pouvez changer la couleur aussi du tableau de bord. C'est ça que vous allez voir. Vous verrez pas votre vaisseau jamais, à moins que vous allez vous faire détruire par l'ennemi. Là. Vous allez avoir un beau cliché troisième personne où vous allez vous voir exploser. Mais vous voyez jamais votre vaisseau si vous êtes dans votre cockpit. Puis c'est quand même assez... C'est facile à comprendre, le fonctionnement. En combat, c'est plus difficile. Quand on est dans le feu de l'action, c'est vraiment un bon challenge. Mais c'est facile d'utilisation. Là. Donc c'est ça... Utilisation de skins, entre autres, pour les gens qui ont fait des trucs sur Battlestar Galactica et Babylon 5. Puis en plus de ce que j'ai pu voir, là, ces petites utilisations-là, ben, ils ont amélioré aussi le graphisme du jeu. Donc, ça va un peu améliorer là, ce qu'on retrouve en 98-99. Pour ce qui est de Free Space 2, c'est pas mal la même chose, à part qu'il y a des compatibilités de ce que j'ai pu lire sur le Force Feedback. Donc, si vous avez un joystick qui permet cet effet-là, bien, vous allez avoir des résistances dans le manche quand vous allez vouloir tourner. Si vous avez justement un joystick qui peut vibrer un peu avec comme le même effet qu'une manette de Xbox, PlayStation, etc., tous maintenant, mais il y avait aussi cette option-là dans Free Space 2. Puis aussi, il y avait des effets visuels quand on tirait des gros missiles, quand on se faisait tirer dessus. Il y avait plus d'effets visuels qui avaient été rajoutés dans Free Space 2. Et sinon, ça se ressemble pas mal pour les contrôles puis pour le visuel. Un peu mieux pour le visuel. Et pour l'histoire, ben on est après, finalement, c'est une trentaine d'années après le combat, la guerre du premier Free Space. Et finalement, on ça recommence un peu avec il faut essayer de contenir l'alliance ensemble. On combat encore des rebelles et les Shivans sont de retour avec des vaisseaux encore plus énormes. Et c'est un peu ça là, pour le storyline du 2. Donc, pour les amateurs de combats spatiaux, de pilotage, de simulation un peu justement de pilotage et de combats spatiaux, c'est un must. Je vous le dis, allez vous chercher ça sur Torrents, allez essayer ça chez vous, ça vaut la peine. Surtout que depuis les débuts des années 2000, il n'y a pas eu grand-chose dans ce genre de jeu-là. Il y a eu des Blazing Angels, entre autres, là, pour la Deuxième Guerre mondiale. Historique, là. Ouais, c'est ça, plus historique, mais encore là, il n'y en a pas des masses. Non, c'est vrai. Ceux qui veulent avoir quelque chose de bien, qui a fait ses preuves, Decent Free Space 1 et 2, allez vous chercher ça en torrent sur Internet. Toi, Michael, c'est quoi qui a fait que tu es retourné à ce jeu-là? Parce qu'on parle quand même d'un jeu qui est pas récent. Là. Ben moi, j'avais joué à l'époque. Oui. J'ai des amis qui connaissaient le jeu. Puis là, depuis, j'avais parlé il y a deux semaines de Artemis Space Bridge Simulator. Oui. Ben, François Gécouillard, là, notre grand Manitou, nous avait relancé là, les gens qui avaient participé à l'activité Artemis sur Free Space, nous a relancé là-dessus, puis effectivement, c'est grâce à François qu'on y a repensé. C'est qu'on est retombé là-dedans, justement, entre autres avec François. Là. Donc, pour les gens, là, c'est ça qu'ils veulent. Puis encore là, s'il y a des gens qui sont intéressés, comme on dit, là, pour Artemis, à faire un peu une armada de Québec là, pour la simulation Star Trek, mais s'il y a des gens aussi qui veulent contacter les gens de puissance maximale pour faire des parties en ligne de Free Space, on attend vos appels. Excellent. Et Michael, bien, merci beaucoup pour ta chronique. Ça fait plaisir. On va y aller avec une de tes chansons. Est-ce que tu peux la présenter? Oui, en fait, c'est un peu en continuité de la semaine dernière avec le groupe Random Encounter qui fait de la reprise de musique de jeux vidéo. La pièce que je vous présente aujourd'hui s'appelle Terra, tirée du très, très, très grand RPG Final Fantasy VI. Donc, la musique thème du personnage Terra. Et c'est sur Puissance Maximale, c'est Kaïa. Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale. Et nous sommes de retour pour parler d'un jeu qui est sur la Xbox 360. On parle d'un jeu arcade, c'est Torchlight, un jeu, en fin de compte, que j'ai acheté dernièrement, après les bons commentaires d'un de mes amis, Mathieu, pour ne pas le nommer, on le salue en passant, Torchlight, qui est un jeu édité par Microsoft, développé par Rune Games. Ce sont des anciens employés de Blizzard, ceux qui ont bien sûr créé Diablo, et on peut s'attendre à un style de jeu à la Diablo avec Torchlight. Malheureusement, c'est un jeu qui est seulement à un joueur. T'sais, on parle d'un jeu RPG où ce qu'on va faire des quêtes comme ça. Ce qui a fait la force des Diablo, ce qui a fait la force de tous ces jeux-là, World of Warcraft, c'était d'aller justement chercher un multijoueur assez massif et d'aller faire des quêtes ensemble. Là, on se retrouve un peu tout seul dans notre monde. Bon, on n'est pas très très loin non plus de tous les Elder Scrolls à la Oblivion, à la, qui sont seuls, là, Oblivion, Morrowind, où on devait jouer seul. Alors, c'est juste que de le voir dans ce modèle-là de jeu vidéo où on est un petit peu en caméra plongée, c'est plutôt rare. On est habitué justement de jouer à plusieurs joueurs à ça. Donc, un petit hack and slash assez sympathique, médiéval, fantastique. C'est sorti en 2009 sur PC. C'est une réédition sur la Xbox 360. Là, on parle d'un jeu qui est sorti il y a à peu près 2 mois de ça. Et on peut l'avoir pour une $15 en points Microsoft, tout simplement. Un jeu qui se passe pas vraiment d'aventure et de quête. On en a plein. On finit par même les oublier tellement que la seule chose qu'on veut faire en jouant, c'est d'aller chercher les différents butins, d'aller visiter les différents donjons qui se présentent à nous. Et vraiment, là, type hack and slash, ben c'est vraiment ça. On se jette sur tout ce qui bouge. Ça débute à Torchlight. Torchlight, qui est une ville minière, aux prises avec certains problèmes d'ordre magique dans les mines. Il y a des mineurs qui sont en possédé par... on ne sait pas trop quoi, en fin de compte. Ça a l'air vraiment une pierre magique qui fait qu'il y a des problèmes dans les mines. Et on est appelé à aller réaliser une quête au départ dans ces mines-là pour aller trouver quelqu'un qui est allé lui-même faire une quête. Et on se ramasse à se battre contre lui parce qu'il est possédé. Et on l'élimine du jeu, tout simplement. Et à partir de là, d'autres quêtes s'offrent à nous et c'est un style de jeu où il n'y a pas de voix qu'on entend dans le jeu. Donc, on lit des textes comme des bons vieux MMO au fur et à mesure où on voit la quête, on la lit, on peut même la passer rapidement, ce qui fait que rapidement, on tasse toute l'histoire de côté. On veut juste aller bûcher et le storyline devient rapidement secondaire. En plein ça, puis tu parles de bûcher, mais c'est ça, c'est vraiment le but du jeu. On a vraiment du fun à faire ça parce que c'est pas compliqué avec l'Xbox 360. La manette est utilisée et il y a seulement un bouton pour frapper sur le monde. Bien sûr, il y a différents mouvements qu'on apprend, que notre personnage peut maîtriser avec les triggers puis les boutons, tout ça. Mais le mouvement traditionnel se fait avec le bouton X et on peut le laisser appuyer dans le fond, un peu comme la souris dans Diablo. Pas besoin On le tient enfoncé. Enfoncé et tout se fait automatique. Bien sûr, on doit au même moment s'envoyer quelques potions en arrière de la gorge pour remonter parfois en vie. Mais c'est un jeu... si vous aimez ça, là, juste rentrer dans le monde, vous allez avoir du plaisir avec ce jeu-là. Ça réinvente rien. C'est pas le jeu le plus exceptionnel que j'ai vu là-dessus. Sauf que c'est quand même intéressant. Pour réaliser les quêtes, on doit choisir une des trois classes qui nous sont présentées. Il y a la classe du destructeur, qui est un combattant à armes de poing, tout simplement. Tout ce qui est armes de poing se présente à lui. On a également le vainqueur qui est plus type voleur, furtif et qui va utiliser des armes à longue portée, style arc ou même parfois quelques fusils dans ce monde-là. C'est assez spécial. Et on a bien sûr que serait un jeu sans un mage ou c'est ça, un alchimiste. Donc la troisième personne, c'est un alchimiste. C'est quand même assez facile, même si on n'est pas habitué au RPG. Tu sais, des fois dans les RPG, on doit monter notre personnage dès le départ, créer des classes, des sous-classes, décider ça. Si on n'a pas ça là-dedans. C'est un jeu qui demande pas ça tout simplement. Tu choisis ta classe puis automatiquement tu tombes avec. Tu dois choisir par contre un accompagnateur dans ta quête qui est un allié sous forme d'un animal. Tu as le choix entre un chien, un chat ou un dinosaure. C'est seulement avec l'alchimiste? Avec tous les personnages. Tous les personnages sont accompagnés d'un sidekick. D'un dinosaure. D'un Robin. Oui, il y a un dinosaure. Ben moi, c'est ce que j'ai choisi, le dinosaure. Et ce qui est intéressant, c'est que si on rencontre un petit étang, il est possible de pêcher. Le personnage peut pêcher. On a une canne à pêche à portée de main. Et si on trouve un poisson, on peut le donner à notre animal et notre animal devient... se métamorphose en une créature un petit peu plus grosse et un petit peu plus efficace au niveau du combat et de la défense. C'est ce qui est arrivé avec mon petit dinosaure. Et, la radioactivité fait son œuvre. Et voilà. Alors, on trouve une variété de quêtes assez nombreuses. Également, une variété de butins. Regarde, tout ce qu'on trouve, on ramasse, on le prend. On va le revendre à la ville ou on peut même amener notre accompagnateur, notre allié. On peut même l'envoyer à la ville. On transfère ça dans son sac à lui, à notre chien, notre dinosaure, tout ça. Puis il y a un bouton qui fait « Envoie-le à la ville ». Puis hop, il te revient après 30 secondes. Puis voilà, t'as fait tant d'argent. Il te revient avec ton cash. Donc, c'est aussi simple que ça. Même le côté marchand. Ouais, on peut le faire. Gestion d'inventaire. On peut le faire si on retourne à la ville parce que parfois même, au cours de notre quête, on rencontre, on trouve des spells ou des choses comme ça qui nous permettent de créer des portes qui nous ramènent à la ville rapidement en plein milieu de la quête. On peut aller le faire, mais garde, une fois que tu as trouvé le truc avec ton animal, tu l'envoies, tu continues ta quête, puis lui, il vient te rejoindre tout simplement sans problème. Alors, garde, c'est pas un RPG complexe. C'est quelque chose pour s'amuser. Un petit hack and slash, comme je disais, très sympathique. Comme je le disais au départ, il y a certains items qui peuvent être améliorés en ville. On peut aller voir le forgeron. Il peut nous forger les différentes pierres qu'on a trouvées dans différents sockets. Là, j'ai le terme en anglais, je m'excuse. Sur notre arme ou sur notre armure. Et c'est un jeu qui est extrêmement coloré. Les personnages ressemblent à des personnages de BD. Comme je disais, la caméra est un petit peu en superficie. On peut la rapprocher plus proche pour voir les détails. Mais c'est quand même très bien. Et il y a également une trame sonore qui est intéressante. Là, la musique est très bonne. Et on se laisse vraiment embarqué par la musique dans le jeu en général. Deux petits côtés négatifs, je l'ai dit tout à l'heure, le multijoueur qui n'est pas disponible, il n'y a pas de multijoueur pour un jeu comme ça. Ça aurait été le fun qu'on puisse, en plus avec les qualités du Xbox Live en multijoueur là, qui est très très facile d'accès, ça aurait été intéressant. Et je l'ai dit également, les dialogues là, qu'on doit lire à l'écrit au lieu d'entendre quelques voix parfois, on se tend rapidement puis on ne veut pas les lire. C'est environ 8 heures de jeu, je le rappelle, pour une quinzaine de dollars en points Xbox 360. Moi je donne un 7.5 sur 10 sur ce jeu-là. Si ça vous intéresse d'avoir un 7-8 heures de fun, ça vaut la peine, je pense, d'être acheté comme jeu. Alors, on parlait de Torchlight disponible sur le Xbox Live. C'est Xbox Live Arcade. Et on va y aller en musique avec une chanson des trois accords. Ça s'appelle « Dans mon corps ». Vous entendez ça à puissance maximale, CKIA 88.3. Sous ma veste à poids. Si tu avais vu laquelle, tu comprendrais pourquoi. Tu comprendrais pourquoi. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. J'ai rangé tout le bordel, me prépare en tout cas. Où tu partirais d'avec elle pour venir avec moi. Pour venir avec moi. Je me suis mise toute belle et j'ai sauté tout bas. Qu'à la porte l'on m'appelle et que tu sois sur le pas. Que tu sois sur le pas. Et que je nous les mains pleines d'un bouquet de lilas. Tu me dis que tu m'aimes ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Dans mon corps. Dans mon corps de jeune fille. Il y a des changements dans mon corps. Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. Et c'est maintenant déjà la fin de Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique. Le temps de vous rappeler que la situation est toujours urgente ici à CKIA. On vous invite à devenir membre de CKIA en soit allant sur le site internet qui est ckiafm.org. Également, vous pouvez le faire au téléphone le 529-90-26 et en vous présentant en personne au 600 Côte d'Abraham. On vous rappelle que CKIA, ben, on est en crise. On a besoin vraiment de membership. C'est une station communautaire donc qui vit avec les memberships, les dons de la communauté. C'est 25 ans de radio active dans la région pour la culture, l'actualité, les luttes populaires, 150 voix alternatives, différents types d'émissions, dont celle que vous écoutez présentement, Puissance Maximale. Et c'est une station qui est ancrée dans son quartier. On vous rappelle, s'il vous plaît, devenez membre, faites-le. Et parlez-en autour de vous, les gens qui sont autour de vous, tout simplement. Eh bien, c'est la fin de l'émission et on prend le temps de saluer tout le monde qui a participé à l'émission aujourd'hui. On salue François qui va revenir la semaine prochaine avec nous à l'émission. Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir été là aujourd'hui. Merci, Vincent. Très intéressant au niveau des commentaires puis de voir que quand tu tweets live, on a plein d'informations qui nous arrivent. On est les premiers à sortir les nouveaux jeux. Voilà. Et merci à toi, Vincent Langlois, maître de ces ondes. Hey, ça me fait plaisir d'être là toujours à toutes les semaines avec vous à Puissance Maximale, une émission d'intérêt ludique super intéressante. Alors, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine de jeu et on se voit la semaine prochaine. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's the fighting with the legends of yore. It's D&D. Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal, and...